je me suis fait tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Remplis ma vie de ta grâce, ô Jésus, mon Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Inonde ma vie de ta grâce, ô Jésus, mon Sauveur. J'ai besoin de ta grâce. Ta grâce me suffit tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Ta grâce qui me soutient, oh Jésus, c'est ta grâce qui me libère, c'est ta grâce qui me fortifie, oh mon roi, c'est ta grâce mon appui, c'est ta grâce qui me soutient, oh Jésus, c'est ta grâce qui me libère, c'est ta grâce qui me fortifie. Chaque jour, c'est ta grâce mon appui. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit tous les jours de ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Remplis ma vie de ta grâce, ô Jésus, mon Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Inonde ma vie de ta grâce, ô Jésus, mon Sauveur. J'ai besoin de ta grâce. Ta grâce.